nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'immense arc de possibilités qu'était Réjeanne. Réjeanne, qui avait créé le personnage de Madame Sangène, pièce de Victorien Sardou. Cette pièce vit encore, disait Madame Simone. Et si elle vit encore, c'était grâce, et c'est grâce à la première interprétation de Réjeanne. Réjeanne, à laquelle la même Madame Simone avait consacré une émission de la série Des chandelles au projecteur, le 27 novembre 1963, sur France 3 National. Une évocation de Réjeanne en paroles et en musique. Dans le cadre des Jeudis du Conservatoire, la radiodiffusion télévision française présente « Des chandelles au projecteur », une émission de Madame Béatrix Dussane. Cette année, de Mademoiselle Mars à Sarah Bernard. De l'époque 1895-1915-20 environ, vous verrez que trois grandes comédiennes occupent vraiment, on pourrait dire, les sommets de la scène à Paris et que bien souvent on les a mises en parallèle et même en concurrence. Il y avait naturellement Sarah Bernard, dont je vous ai beaucoup parlé l'an dernier, Julia Barthet, dont je vous entretenais dans ma précédente causerie, et voici maintenant celle qui, pour certains, apparue la plus grande, qui était d'ailleurs aussi profondément originale. Pour ma part, je ne veux pas faire de hiérarchie, c'est Réjeanne. Réjeanne a été peut-être la plus extrêmement parisienne des trois. C'est Paris, c'est Paris, c'est le Gavroche de Paris, c'est la grâce, le sourire et la tendresse et le caprice de Paris. Et c'est pourquoi la première intervention musicale va être confiée à Offenbach, ou pas l'Offenbach échevelé, non, l'Offenbach narquois et tendre, sensuel et sceptique de la Péricole. La voix de Suzanne Lafaille que vous allez entendre n'a pas de parenté avec la voix de Réjeanne, sinon précisément cette grâce, ce sourire un peu sensuel qui passe dans son timbre. Et Suzanne Lafaille et l'orchestre sont conduites ici par Igor Markevitch. Je t'adore, brigand, j'ai mon fan à bouillir. Je t'adore une vie vivre sans t'adorer. Je t'adore, brigand, j'ai mon Je commence par son enfance. Puisque c'était une Parisienne, il faut que je vous explique de quel Paris elle sortait. Comme Barthet, elle avait vécu dans le voisinage d'un théâtre, mais un théâtre tout autre et dans un voisinage beaucoup plus étroit. Car il s'agissait du théâtre de l'ambigu, citadelle du vieux mélodrame, encore bien vivante à cette époque, puisque c'était avant la guerre de 70, et les parents de Réjeanne tenait la buvette de l'ambigu, c'est-à-dire le café en bas, le café où allaient se désaltérer les spectateurs. Bien entendu, vous pensez que la petite gamine, futée, espiègle, comique, nous dirions presque en argot de Paris, rigolo, se promenait un peu partout dans les coulisses du théâtre et notamment dans les ateliers de costumes où les costumières l'avaient prise en affection, passaient leur temps à la déguiser avec les plus beaux atours des reines de mélodrame ou des fées de féerie. Elle passa ainsi une enfance qui semblait tout naturellement orientée vers le théâtre, jusqu'au moment où des revers de famille, de deuil je crois que son père mourut, firent qu'elle fut obligée, avec sa mère et sa grand-mère, d'habiter un petit logement, toujours là dans le quartier de l'Ambigu, à la rue de l'Ancry de vivre la vie des ouvrières façonnières en chambre de cette époque. Elle faisait à elle trois, elle pailletait, elle montait des éventails, et la petite Gabrielle Réjus, car son vrai nom était Réjus, la petite Gabrielle Réjus s'en allait les porter en ville. Tout cela fit une enfance très dure aussi, voyez-vous, éprouvée en plus par les spectacles du bombardement du siège de Paris et de la Commune, qui la frappèrent beaucoup. Et enfin, elle échappe à la fabrication des éventails et elle accède au conservatoire. Elle avait, on pourrait dire, un petit museau de Paris, qui n'était pas classique du tout. Le nez nettement retroussé, large à la base, spirituel, certes, mais pas classique du tout. La bouche assez forte, assez sensuelle, nettement sensuelle même, et un œil malicieux, aux sourcils toujours écarquillés, à la paupière un peu basse, un œil qui n'était pas grand, mais qui paraissait grand par le mouvement du sourcil, et extraordinairement perçant, narquois et spirituel. Il est évident que, au départ, le physique de Réjeanne semblait être celui d'une soubrette. Et elle n'était pas exactement une soubrette, ou plutôt elle était une soubrette et elle était aussi une jeune première, et elle était tous les emplois à la fois. Assez grande, Dieu merci, mince, élancée, bien bâtie. Elle entre elle aussi au conservatoire autour des années 78-80, je crois. Elle entre elle aussi au conservatoire dans la classe du précieux Régnier. Régnier eut beaucoup d'affection et de sollicitude pour elle. Elle a entretenu toute une correspondance avec lui, même après sa sortie du conservatoire. Il lui a été extrêmement précieux parce que elle n'était pas une classique de tempérament, et sortie du conservatoire, elle s'en alla vers le vaudeville, vers le gymnase, vers des théâtres de comédie légère, et pendant un certain nombre d'années, elle joua tout un répertoire qu'elle joua fort brillamment, mais qui aurait risqué la cantonner dans la partie la plus superficielle de son tempérament et de son talent. Et périodiquement, Régnier lui écrivait en lui disant d'être exigeante, de ne pas se contenter de succès faciles. Il essayait vraiment de maintenir vivante en elle l'exigence d'autre chose. Et c'est ainsi que son influence la conduisit très heureusement jusqu'au moment où elle devait rencontrer un homme qui a eu une importance capitale dans sa vie, qui était son mari d'ailleurs, et le père de ses enfants, qui était Porel. Porel, ancien acteur, devenu directeur, autodidacte, il n'avait pas la culture de Régnier, mais il avait une merveilleuse expérience du théâtre. Porel comprit admirablement, il était à ce moment-là directeur de l'Odéon quand il épousa Réjeanne, il comprit admirablement l'immense arc-en-ciel, j'allais dire éventail, je ne veux pas dire éventail puisqu'elle avait fait des éventails, ça a l'air d'une plaisanterie, l'immense arc de possibilités qui était en Réjeanne. Et il va tout de suite la risquer à l'Odéon dans de véritables batailles littéraires, dans des personnages poignants, difficiles à défendre, puisque la première performance, si on peut dire, de Réjeanne dans ce domaine, ça sera la Germinie Lacerteux des Goncourt, qui fut vraiment une bataille. Et enfin, en 91, elle a l'occasion de jouer un rôle qui va être le rôle type d'une partie de son emploi pendant toute sa vie et qui va donner le ton à 50 ans de théâtre. C'est Amoureuse de Porto-Riche. Je n'ai pas le temps de vous raconter la pièce, mais enfin, le problème d'Amoureuse se réduit à celui-ci. Étienne Ferriot et sa femme sont prodigieusement, follement amoureux l'un de l'autre, et amoureux au sens le plus physique, le plus complet du terme. Tant et si bien que cet amour finit par envahir un peu trop la vie d'Étienne Feriot, qui a tout de même une carrière à mener, une carrière importante et intelligente. Il voudrait bien retourner de temps en temps à une activité intellectuelle, mais sa femme ne pense qu'à l'amour. Sa femme est toute extase, passion sans cesse renaissante. Il lui cède à chaque fois parce qu'il l'aime, il est passionnément épris, et finalement, il s'en irrite, il s'agace l'un contre l'autre, il se dispute, et arrive une scène capitale où il se brouille complètement et, emporté par l'esprit de rancune, sa femme le trompe. Sa femme, un confident qui est là, un confident du ménage qui est là tout à propos, elle se jette à sa tête et, à peine l'irréparable accompli, naturellement, ils comprennent qu'ils ont gâché leur vie, ils se reprennent en toute conscience, sachant que leur vie va être un enfer. L'un dit à l'autre « mais nous serons malheureux » et l'autre lui répond « qu'est-ce que cela fait ?» Cette présence, cette omnipotence de l'amour physique, de l'amour sensuel, dans sa plénitude, c'est entendu, mais dans sa nudité aussi, si je puis dire, jamais aucun auteur ne l'a chanté, si je puis dire, avec autant d'éloquence et d'ardeur que Porto-Riche, pour qui c'était véritablement un absolu. Parce que la pièce a été prodigieusement bien jouée par Réjeanne, qui était une grande amoureuse, qui était une grande sensuelle, et qui pouvait exprimer tout cela sans cesser d'avoir de l'allure, de la branche, sans être jamais bestiale, ni basse, ni brutale, et qui cependant vraiment faisait triompher, on peut le dire, la franchise sensuelle en scène, et grâce à son partenaire qui était Lucien Guitry, dont je vous parlerai dans la prochaine conférence, qui mérite bien qu'on parle de lui pendant un grand moment. Eh bien, la pièce connut un triomphe. D'ailleurs, Réjeanne fit je ne sais pas combien de reprises d'amoureuses au cours de sa carrière. Et tous les auteurs de son temps lui refirent des pièces sur le modèle d'amoureuse. C'est cette pièce type qui eut vraiment un très grand mérite à son époque et qui fut aussi représentative, il faut le dire, des mœurs de son époque. Eh bien, c'est cette pièce qui nous a valu, je peux dire, 50 ans de théâtre d'amour. Ce théâtre d'amour dont nous avons été obsédés, contre lequel on a réagi dans ces dernières années et qui devrait, pour que nous ayons de lui une idée juste, il faudrait retourner à Amoureuse et se rendre compte que nous voyons Amoureuse à travers toutes les imitations médiocres et qui en ont été faites. Comment était donc Réjeanne? Je vous l'ai dit. Elle avait ce physique, elle portait très haut la tête, elle avait un port magnifique, elle a toujours eu un physique assez bien en chair, élancé mais bien en chair, elle était, je ne portais pas un Rubens, non, mais enfin vraiment, la chair était victorieuse dans son aspect, mais à l'intérieur de cette chair, il y avait infiniment d'esprit. Il y avait cet œil, il y avait ce nez, et il y avait cette malice, cette lucidité, ce parisianisme, car elle était d'un chic extrême. Et c'est ce personnage-là qu'il faut essayer d'imaginer dans tous les personnages de grande amoureuse qu'on lui a fait jouer. Encore une fois, une extrême ardeur sensuelle avec en même temps ce que nous appelons de la branche. Et c'est à cause de cela que vous allez entendre maintenant un morceau de Berlioz, le fameux aria Rioso de Marguerite au Rouet. Un morceau de Berlioz dans sa partie la plus angoissée, la plus syncopée, la plus haletante. Cette Marguerite au Rouet va évoquer pour vous, Réjeanne, à travers une voix qui est aussi une voix d'une sensualité profonde et victorieuse, la voix de Rita Gore, conduite par André Cuitens. Thank you. Et voici l'autre face du talent de Réjeanne. L'autre Réjeanne, si l'on peut dire, et si vous voulez bien vous rendre compte que très souvent, les deux Réjeanne se sont mélangées dans le même rôle. Et c'est très curieux, les dates sont extrêmement proches. Elle a créé Amoureuse en 1891, et un peu plus d'un an plus tard, moins de deux ans plus tard, en tout cas, Victorien Sardou lui apportait l'autre succès inusable de sa carrière, l'illustre, l'intuable, si je puis dire, Madame Sans Gêne. Et là aussi, entre 92-93 et la fin de sa carrière, on lui en a fabriqué toute une série de succès d'années de Madame Sans Gêne. Mais Madame Sans Gêne est restée inégalée et à un point qui confine à l'injustice. Car à l'heure actuelle, de tant de créations que Réjeanne a accumulées, où elle a toujours eu des triomphes, et dont certaines vraiment avaient du mérite, comme La course du flambeau de Paul Hervieux, comme La robe rouge de Brieux, comme certaines pièces de Donnet aussi, eh bien de tout cela, il semble bien que les titres soient tombés en poussière, et il ne survit que la seule, la relativement frivole Madame Sans Gêne. Et je voudrais essayer de vous donner là une idée de la complexité du rôle, parce que c'est à travers Réjeanne qu'on peut arriver à bien comprendre les choses. Et je vous demande là la permission de m'appuyer sur mon témoignage personnel. J'ai eu, après la mort de Réjeanne bien sûr, le redoutable honneur de jouer Madame Sans Gêne. Et je connaissais bien Réjeanne, je ne l'avais pas vue dans le rôle, mais je l'avais vue dans beaucoup d'autres rôles. Et en travaillant le rôle, il était absolument impossible de ne pas penser à elle perpétuellement, de ne pas l'imaginer, de ne pas rêver de ce qu'elle faisait. Vraiment, le rôle donnait l'impression, et ce n'était pas faux d'ailleurs, d'avoir été fait sur mesure pour elle par Victorien Sardou. Et je ne fus pas Réjeanne, inutile de le dire, mais enfin, je m'entourais des témoignages de gens qui l'avaient vu jouer et j'essayais de l'apprendre autant que possible quand même pour modèle. Et puis j'eus la curiosité de lire ce qu'on avait dit d'elle à la première de la pièce. Et j'eus la surprise de voir qu'on lui avait reproché d'être trop spirituelle, trop parisienne, dans un rôle qui, vous le savez, est un rôle de parvenu de la gloire, comme disait Napoléon, de parvenu de l'Empire. Vous savez que le personnage historique a existé, Catherine Hubscher, blanchisseuse, qui avait épousé Lefebvre quand il n'était que sergent et qui s'était trouvé, à cause des états de service de son mari, qui s'était trouvé un beau jour, plus tard, maréchal de France, duchesse de Danzig et obligée de paraître à la cour de Napoléon Ier, fort empêtrée dans les usages mondains, les piétinant à plaisir et devenue personnage légendaire dont on retrouve les pataquès, les boutades et les originalités dans plusieurs des mémoires du temps. Or, il est tout à fait certain qu'une partie de ce personnage apparaît dans le rôle, mais que dans quantité d'autres occasions, on s'aperçoit que le personnage de Madame Sans Gêne, comme Sardou l'a fait jouer par Réjeanne, est très intelligent, très spirituel, très fringant, et même, à la fin de la pièce, relativement séduisant, car elle inspire, quelques minutes de caprice fugitif à Napoléon, dans une scène qui est d'ailleurs la plus délicieuse du rôle. Alors, on se disait, ben oui, ça c'est la part de Réjeanne, et c'est à cause de Réjeanne, et il faut penser à Réjeanne. Ce sont des complaisances de Sardou pour Réjeanne. Jusqu'au moment où j'ai pu me rendre compte, en fouillant dans les bouquins, que Sardou avait fondu deux personnages ensemble. Il avait pris le nom de Catherine Hubscher, ses pataquès légendaires, sa situation à la cour, soit, mais il avait mélangé à cela la personnalité d'une bourguignonne, élevée d'ailleurs à Paris, enfant de troupe en 1794 et qui avait continué à servir dans les dragons jusqu'en 1813. Vous m'entendez bien, jusqu'en 1813 et en qualité de dragon. Elle s'appelait Thérèse Figuer, elle était fringante, alerte, vive, pétulante, bref. Et guerrière, car la véritable Catherine Hubscher a eu l'entreprise de la blanchisserie de Strasbourg, de la blanchisserie de l'armée du Rhin, mais elle n'a jamais suivi les armées en qualité de vivandière. Les états de service militaires de Madame Sangène, de la pseudo-vivandière, ce sont en réalité les états de service de la pauvre petite femme dragon Thérèse Figueur. Et le surnom de Sangène, c'était le surnom que portait Thérèse Figueur. Et c'est à cause de ce personnage de Thérèse Figueur, à cause de ce côté fringant, cavalier, audacieux, crâne, que le personnage définitif a pu être tellement favorable aux qualités de Réjeanne. Et c'est à travers cela qu'il faudrait continuer de voir le personnage. Voyez-vous, on fait une erreur effroyable quand on ne pense que à la blanchisseuse indécrottable, si je puis dire, et qui faisait des fautes de goût ou de tact ou d'étiquette à la cour de Napoléon. Non seulement on n'est pas fidèle au personnage tracé par Sardou, on n'est pas fidèle à la créatrice Réjeanne, on n'est pas fidèle à cette moitié de personnage qui n'est pas Catherine Hubscher, qui est Thérèse Figueur, et à qui Sardou, sans le dire, a fait une très large part, parce que Réjeanne était beaucoup plus près de Thérèse Figueur, de la fringante Thérèse Figueur, que de la lourde Catherine Hubscher. Et c'est ce personnage, cet esprit, cette espièglerie, cette crânerie, alors tout le côté, en effet, qui correspond à l'emploi classique des soubrettes, qui est tellement brillant dans le rôle de Madame Sangène, dans lequel, naturellement, Réjeanne était incomparable. Remarquez que dans le rôle, il y a exactement toutes les notes. Il y a des scènes de drame, il y a une scène d'amour conjugal, solide, c'est entendu, populaire, mais très, très émue et très profonde entre Lefèvre et Catherine, quand l'empereur a voulu essayer de le faire divorcer parce qu'il trouve que sa femme n'est pas assez bien élevée. Là, la Réjeanne pathétique n'avait que quelques répliques, mais elle avait de quoi montrer ce qu'elle était, et puis aussi dans les parties mélodramatiques de la fin de la pièce. Mais il n'en reste pas moins que ce qui a fait la fortune de la pièce, ça a été d'avoir été lancé par Réjeanne et joué par elle je ne sais pas combien de centaines de fois, bien sûr, mais ça a été cet aspect crâne, populaire, brillant, si je puis dire, le côté de Thérèse Figueur du personnage. C'est cela qui a fait la vie de la pièce, c'est peut-être ce qui continue de la maintenir vivante, car il n'y a pas d'erreur, la pièce vit encore, la pièce va revivre demain encore une énième fois, même au cinéma, peut-être à la télévision, que sais-je encore, je ne sais pas, il est question peut-être de le faire jouer par Sophie Desmarais un jour, et je crois que Sophie Desmarais est l'actrice actuelle qui se rapprocherait le plus de ce que vous pouvez, l'idée que vous pouvez vous faire de Réjeanne, au moins de la Réjeanne spirituelle, pas de la Réjeanne d'amoureuse, mais de la Réjeanne de Madame Sangène et de quantité d'autres rôles, encore une fois, et qu'elle a joué dans cette note. Je n'ai pas la possibilité de vous déployer toute sa carrière, et je vous le disais, c'est un peu comme la carrière de Julia Barthet. Les rôles modernes qu'elle a créés sont morts presque avec elle, certains même avant qu'elle ne meure elle-même. Elle a joué jusqu'à la dernière minute, elle a joué très malade, sa fin a été pathétique. Je vous résume tout cela, mais ce n'est pas tellement sa vie qui est importante que l'exemple qu'elle peut vous laisser. C'est pourquoi, dans les quelques minutes qui me restent, je voudrais vous raconter une expérience, un souvenir très vif que j'ai d'elle. C'était dans une pièce d'Henri Bataille, une de ses plus absurdes, qui s'appelait « L'enfant de l'amour », où l'on voyait une dame, une dame qui avait fait une carrière assez irrégulière. Elle avait dans son passé comme grande performance d'avoir montré des lapins dressés au cirque d'été. Enfin, vous voyez à peu près le genre de personnage. Et cette femme, Bataille la prenait sur sa maturité, en ayant mené depuis déjà de longues années une liaison avec un homme auquel elle tient beaucoup. Cet homme est un peu là, il lui échappe, elle sent qu'il va lui échapper. Et la dame, d'une de ses aventures de jeunesse avec un garçon dont on ne donne pas beaucoup de détails, mais qui ne devait pas être d'une espèce bien relevée, a un fils qui est élevé loin de son intimité, bien sûr, et qu'elle reçoit un peu en cachette de son amant légitime, si je puis dire, de son amant officiel, un peu vraiment comme si c'était un petit jeune premier qu'elle cache dans les armoires. Ce jeune homme s'aperçoit que sa mère a du chagrin, qu'elle va être lâchée. Vous allez voir, il a une nature tout à fait chevaleresque. Il décide de venir au secours de sa mère en faisant délicatement chanter le monsieur qui a une fille d'un premier mariage. Il va suborner la fille du mariage, etc., etc. C'est pas tout ça ce que je veux vous raconter. Je vous dis, la pièce est absurde. Mais il y avait une scène au téléphone où Réjeanne essayait de rattraper son amant. Et elle tenait le téléphone mobile déjà, elle le tenait sur ses genoux. Ça durait très longtemps. Elle parlait, elle le suppliait. Et puis il coupait la communication et elle parlait dans le vide. Et elle commençait comme une communication téléphonique et au bout de quelques minutes, ce téléphone devenait un être vivant. Elle le tenait contre sa poitrine, elle le caressait, elle le lâchait, elle le reprenait. C'est là que moi j'ai compris, et c'est une leçon que je n'ai jamais oubliée, que dans les mains d'un acteur inspiré, un accessoire, un simple accessoire, peut devenir véritablement une personne. Et c'est sur cette leçon, entre autres, que je vous laisse sur le souvenir de Réjeanne et que je vous laisse sur la Réjeanne brillante, la Réjeanne chic, avec la valse d'Isoline de Messager, conduite par Louis Forestier. C'était « Des chandelles au projecteur », Réjeanne par Madame Simone. Première diffusion sur France 3 Nationale, le 27 novembre 1963. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».